Ésaïe chapitre 36. Or il arriva la 14e année du roi Ézéchia, que Sennachérib, roi des Assyriens, monta contre toutes les villes closes de Juda, et les prit. Puis le roi des Assyriens envoya Rabsaké, avec de grandes forces, de Lachie à Jérusalem, vers le roi Ézéchia, et il se présenta près du conduit du haut étang, au grand chemin du champ du Foulon. Et Eliakim, fils d'Ilkija, maître d'hôtel, et Sebna le secrétaire, et Joa, fils de Zaph, commis sur les registres, sortirent vers lui. Et Rabsaké leur dit, « Dites maintenant à Ézéchia, ainsi dit le grand roi, le roi des Assyriens, quelle est cette confiance que tu as? Je te dis que ce ne sont là que des paroles, mais le conseil et la force sont requis à la guerre, or maintenant, sur qui t'es-tu confié, que tu te sois rebellé contre moi? Voici, tu t'es confié sur ce bâton, qui n'est qu'un roseau cassé, sur l'Égypte, sur lequel si quelqu'un s'appuie, il lui entrera dans la main, et la percera, tel est Pharaon, roi d'Égypte, à tous ceux qui se confient en lui. Que si tu me dis, nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas celui-là même duquel Ézéchia a ôté les hauts lieux et les autels, et a dit à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel-ci? Maintenant donc, donne des otages au roi des Assyriens, mon maître, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux donner autant d'hommes pour monter dessus. Et comment ferais-tu tourner visage au moindre gouverneur d'entre les serviteurs de mon maître? Mais tu te confies en l'Égypte, à cause des chariots et des gens de cheval. Mais suis-je maintenant monté sans l'Éternel, contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays-là, et le détruis. Alors Eliakim, et Sebna, et Joa, dirent à Rabsaké, nous te prions de parler en langue syriaque à tes serviteurs, car nous l'entendons, mais ne parle point à nous en langue judaïque, pendant que le peuple, qui est sur la muraille, l'écoute. Et Rabsaké répondit, mon maître m'a-t-il envoyé vers ton maître, ou vers toi, pour dire ces paroles-là? Ne m'a-t-il pas envoyé vers les hommes qui se tiennent sur la muraille, pour leur dire qu'ils mangeront leur propre fiente, et qu'ils boiront leur urine avec vous? Rabsaké donc se dressa, et s'écria à haute voix en langue judaïque, et dit, écoutez les paroles du grand roi, le roi des Assyriens. Le roi a dit ainsi, qu'Ézéchia ne vous abuse point, car il ne vous pourra pas délivrer, et qu'Ézéchia ne vous fasse point confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel indubitablement nous délivrera, cette ville ne sera point livrée entre les mains du roi des Assyriens. N'écoutez point Ézéchia, car ainsi a dit le roi des Assyriens, faites un accord pour votre bien avec moi, et sortez vers moi, et vous mangerez chacun de sa vigne, et chacun de son figuier, et vous boirez chacun de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène en un pays qui est comme votre pays, un pays de froment et de bon vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchia donc ne vous séduise point, en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun leur pays de la main du roi des Assyriens? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpa? Où sont les dieux de Sepharvagim? Et même a-t-on délivré Samarie de ma main? Qui sont ceux d'entre tous les dieux de ces pays-là, qui aient délivré leur pays de ma main, pour dire que l'Éternel délivrera Jérusalem de ma main? Mais ils se turent, et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait commandé, disant, vous ne lui répondrez point. Après cela Eliakim, fils d'Ilkija, maître d'hôtel, et Sebna le secrétaire, et Joa fils de Zaph, commis sur les registres, s'en revinrent, les vêtements déchirés, vers Ézéchia, et lui rapportèrent les paroles de Rabsaké.